c'est Thierry. Je ne m'entends pas, mais voilà, ça y est. Maintenant, je m'entends. J'espère que vous allez très, très, très bien. C'est l'avant-dernière saga des Fab Four. Oui, je sais, beaucoup disent. Quoi ? Mais pourquoi ? Habituellement, c'est jusqu'à fin juin. Oui, ben. Pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, je vous explique à nouveau. Je me fais opérer de l'épaule à partir du 12 avril et je vais être indisponible, incapable de conduire, etc. pendant des mois et des mois et des mois. Un certain temps, en tout cas. Donc, on va finir en apothéose la semaine prochaine avec une saga de 4 heures, grâce à Eric qui me laisse son temps. Mais pour l'instant, pour l'avant-dernière saga, la saga numéro 529, l'album de la semaine, c'est l'album Vertical Man de Ringo Starr en 1998. On écoutera One, King of Broken Hearts. Évidemment, j'adore cette chanson. Vertical Man, qui est une chanson superbe aussi. Drift Away, La Deda et I'm Yours. Il y aura également, bien entendu, du McCartney, du Harrison, du Lennon et des Beatles. Pour McCartney, ce sera Mamounia sur Ben on the Run en 73. George Harrison nous chantera Run Off the Mill en 1970 sur l'album All Things Must Pass. Quant à John Lennon, ce sera Hold On sur Plastic Ono Band la même année en 1970. Quant aux Beatles, on commencera par le premier titre enregistré sur l'album. C'est le premier album, c'est I Saw Her Standing There. Voilà, on se retrouve sur le groupe Facebook dans quelques instants, le temps que j'arrive à faire tout comme il faut. Mais en attendant, je vous propose la première chanson, le premier album. L'album, c'est Vertical Man et la chanson, c'est One. Monsieur Ringo Starr, bonne soirée à toutes et à tous. On est ensemble jusqu'à 22h. Light is fading, darkness coming soon. Lonely in this empty room. Something's been going wrong. I'm barely holding on, and it's true. All it takes is one girl for just 1 minute. One world, but you're not in it. One girl, all it takes is one. I'm feeling insecure. Is it just me? George Harrison, Run Off the Mill. Send me down again. gonna be alright. You're gonna make the flight. When you're by yourself and there's no one else, you just have yourself and you tell yourself just to hold on. See the light. Oh, and when you're warm, really warm, well, you get things done like they've never been done. So hold on. Ça, c'était en 1970, 7 ans après leur début. Et leur début est ce premier titre, I Saw Her Standing There. Le backbeat solide de Starr, le solo de guitare haletant d'Harrison, les harmonies vocales de Lennon et McCartney, le premier titre du premier LP des Beatles vous disait déjà tout ce que vous deviez savoir sur leur alchimie. Le comptage de McCartney introduisait le sous-entendu d'un gros mot. 1, 2, 3, 4. Voilà, à vous de deviner de quoi on parle. Mais le vrai frisson venait de la réponse de Lennon à la première phrase de McCartney. Elle n'avait que 17 ans et Lennon qui répond: tu vois ce que je veux dire, qui en disait long. 1, 2, 3, 4. Suit les conseils qu'avait donné Maurice Chevalier, je crois, à Johnny Hallyday. Il avait dit: tu commences ton show avec quelque chose de bien fort, tu finis ton show avec quelque chose de bien fort, et entre les deux, tu fais ce que tu peux. Eh bien, les Beatles avaient déjà compris ça, puisque leur premier disque, la première chanson du premier disque, attire l'oreille sans aucun problème. I saw her standing there, que vous avez entendu il y a quelques secondes, voilà. Mais je ne pense pas que Maurice Chevalier leur ait conseillé quoi que ce soit. Enfin, nous avons écouté justement Ringo Starr avec One, Paul McCartney avec Mamounia, George Harrison avec Run of the Mill, une superbe version, Hold On par John Lennon, et à l'instant les Beatles avec I Saw Her Standing There, avant de revenir à Ringo Starr et King of Broken Hearts, dans laquelle vous entendrez la dernière apparition studio de George Harrison sur la guitare, sur cette chanson-là. Eh bien, voici quelques conseils pour tout savoir sur les Beatles. Le meilleur site à connaître, c'est celui de Lovely Rita. Mais qui est Lovely Rita? Lovely Rita, c'est la responsable du Beatles Magazine à Londres. Et si vous voulez tout savoir sur John, Paul, Ringo, George, il vous suffit d'aller sur BeatlesMagazineUK.com. C'est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. C'est lu par des milliers de fans à travers le monde et vous avez toute l'actualité des Beatles, y compris celle de Paul et de Ringo. Bref, toute l'actualité, c'est sur BeatlesMagazineUK.com. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, même 8 jours, 8 days a week. C'est là.

down the sidewalk on a purple afternoon. I was accosted by a barker playing a simple tune upon his flute. En 1978, ce très bel album London Sound fait à trois McCartney, Linda McCartney et Danny Lane, simplement parce que les autres étaient partis pour différents musicaux un petit peu. C'est vrai que bon, autant les Beatles, c'était quatre personnes qui formaient un tout pour faire de la magie, autant les Wings, puisque j'en parle très rarement, bah c'est juste McCartney. Et puis les autres sont des musiciens qui apportent leur collaboration, d'accord, mais qui n'ont pas forcément une grande importance. Évidemment, Linda, bien sûr, mais bon, quand même. Voilà. Et nous revenons en arrière. Nous passons de 1978 à 1966, seulement 12 ans auparavant, à l'époque, avec cette chanson de George Harrison, If I Needed Someone, sur l'album Rubber Soul, 1965. Je ne sais plus si j'ai dit 66, c'est 1965. If I Needed Someone fut composé par George Harrison pour Patty Boyd, forcément. C'est un exercice musical sur un accord en ré à la guitare. Cet accord et ses variations se retrouvent dans de nombreuses chansons. Et j'ai toujours été surpris de voir que les gens continuaient de trouver de nouvelles permutations à ces mêmes notes. Là, il faut être musicien pour comprendre. Personnellement, j'ai du mal à piger, mais bon.

yourself for all the things you did. The medical man, don't lay down. Down, down, down, down. If you feel like giving up, if you feel like you've had enough, let it go. Don't you know? Come on, kick the bottom out. Stomp your feet, scream and shout, let it go. Come shining through for you. You'll discover even rainbows have the blue. Yes, I know it's not news to you. Am I getting through to you? Feel like giving up, don't you know life is tough, let it go. Don't you know? Come on, keep the bottom out. Scream and shout, let it go. Let it go. When you feel like giving up, when you feel like you've had enough, let it go. Découvrez peut-être Ringo Starr alors que vous êtes assis à table au restaurant Twist & Crêpe à Talence, par exemple, en train de déguster une merveilleuse crêpe menu dans un décor dans lequel il y a les Beatles partout. Avec, sur votre droite, ça dépend dans quel sens vous êtes, il y a Agathe qui est derrière son bar en train de secouer ses milkshakes et tout ce que vous voulez, les boissons, les drinks et tout ça. Il y a Madeleine qui doit être dans le coin aussi à vous donner les plats. Et puis Fabrice, derrière, qui est à la cuisine et qui vous fabrique ces crêpes bretonnes d'un goût absolument extraordinaire. Hein ? En tout cas, je vous envoie le bonjour à tous et à toutes. Et j'espère que vous aimez cette émission. C'est RIG, la radio, 90.7. C'est tous les mercredis entre 20h et 22h. En principe, de septembre à juin, sur RIG. Ça s'appelle La Saga des Fab Four. Et sachez-le, cette émission existe depuis 1984. Oui. I'm sick and tired of hearing things. Tight, short-sighted, narrow-minded hypocrites. All I want is the truth. Just give me some truth. I've had enough of reading things by neurotic, psychotic, pig-headed politicians. All I want is the truth. Just give me some truth. No short head, yellow belly, son of tricky dick is gonna mother. Woo!

travail, une chanson apparemment simple, mais faite de contradictions. You say yes, I say no. You say, I say goodbye, you say hello. George Harrison a repris le même système dans Old Brown Shoe en disant I want a girl, that's right, but right is only half of what's wrong. Oui, right, wrong, etc. Je veux une femme avec des cheveux courts, mais qui les aura deux fois plus longs bientôt, etc., etc. Bref, Ringo Starr disait de McCartney, ce qui est énervant avec Paul McCartney, c'est que il semble avoir une extrême facilité à pondre une chanson. Et cette chanson qui paraît simple, en fait, est pas aussi simple qu'elle en a l'air. Et surtout, lorsque vous l'écoutez une fois, vous vous rendez compte qu'elle vous reste dans la tête pendant toute la journée, pendant 15 jours, etc., et même plus que ça. C'est ça la force de Paul McCartney. La preuve, il aura 80 ans le 18 juin et il continue à composer pour notre plus grand plaisir et le sien aussi. Il dit avoir une vingtaine d'années dans sa tête. Eh bien, on lui souhaite de garder ses 20 ans pendant le plus longtemps possible. Voici Paul McCartney, il y a longtemps, en 1976, avec une voix de velours, She's My Baby, sur l'album At the Speed of Sound. C'est Érigé que vous écoutez. My baby, she comes out at night, she's taking me by surprise, she's my baby, like gravy down to the last drop, mopping her up, yeah, yeah, she's my baby, she's a baby in the morning time, when the sleep is in her eyes, then the world is waking up, she has arisen. Oh, believe me, I ain't lying. She's a woman. She's a lady at the evening tide. When the stars are in the skies, that's the time she changes back into a kitten. Oh, believe me, I ain't lying. She's my baby. She comes out at night, she's taking me by surprise, she's my baby, like gravy down to the last drop, I keep mopping her up, yeah, yeah, yeah, she's my baby, well, she's a baby in the morning time, when the sleep is in her eyes, and the world is waking up, she has arisen, oh, believe me, I ain't lying. She's a woman. She's the lady of the evening tide. When the stars are in the skies, that's the time she changes back into a kitten. Oh, believe me, I ain't lying. She's my baby. She comes out at night, taking me by surprise. Yes, she's my baby. I keep mopping it up, yeah, she's my baby. McCartney à l'instant, et on revient à l'album de la semaine. L'album de la semaine, c'est Vertical Man de Ringo Starr en 1998. Et cette chanson, sur laquelle figure quand même l'air de rien, un certain Tom Petty, une certaine Alanis Morissette, et également Steven Tyler. Voici Drift Away sur RG. Today I'm more confused, but I look for the light through the pouring rain. that's a game that I hate to lose. I'm feeling the strain. Ain't it a shame? Think that I'm wasting time, and I don't understand the things I do. Yeah, the world outside looks so unkind. Now it's up to you to carry me through. Give me the beat, boys, to free my soul. I wanna get lost in your rock and roll. Dans un peu moins d'une heure, il y aura Eric pour Johnny de A à Z. Et d'ailleurs, Rook sur Facebook nous précise que Drift Away a été chanté par Johnny sous le nom de Un Double Tour. Bon, voici la cover. Et une cover très originale pour une fois, puisque c'est une cover instrumentale. C'est Lawrence Juber qui avait déjà travaillé avec Paul McCartney, bien entendu, qui est très très doué en guitare sèche et qui vous propose sur le LP qui s'appelle Lawrence Juber Plays the Beatles, sorti en 2000. Ouais, en 2000. Here Comes the Sun, uniquement à la guitare. Et c'est très joli. J'avais envie de marquer cette petite pause gentille, très très légère. totalement différente. Laurence Joubert avec de la guitare acoustique. Et là, McCartney avec Laurence Joubert, je crois qu'il était sur cet album-là. Et le grand rock Old Siam, sir. Voici John Lennon sur RG dans la saga des femmes fortes. Tight Ass sur RG. C'est le rôle des petites radios telles que RIG par exemple. Vous passez des chansons connues, d'accord. Vous passez des chansons totalement inconnues, ça c'est bien. Ou vous passez des chansons moins connues de personnes que vous connaissez, comme Tight House à l'instant de John Lennon en 1973. Mais si vous écoutez régulièrement la saga des Fab Four, ça n'est pas une chanson inconnue, celle-là vous la connaissez. Allez, revenons du côté de l'album de la semaine. L'album de la semaine c'est Vertical Man que je vous fais peut-être découvrir. Ringo Starr, qui, je vous l'assure, depuis 1970, n'est pas resté inactif, a sorti quelques chansons, quelquefois un peu pas terribles, mais la plupart du temps, il y avait quand même de la bonne qualité. Et voici un autre extrait. La Dada, sympa. Et juste après, ce sera George Harrison par deux fois. Live my life, it's only right, 'cause I can live your life for you. I'm satisfied feeling high, 'cause I found out just what to do. Oh, you can bet I never let the things I get the best of me. When I get blue, is what I do, and so can you. It is no mystery when you sing la la di da, like sera sera, whatever la di da, la di da. All you got to say. Don't need to cry. No reason why is ever good enough for me. We can take a walk, just laugh and talk. Whatever's going to be will be. And when it rains, I don't complain. I'm like a train, I just keep rolling on. Sometimes you lose, you blow a fuse. You're not immune to what's been going on. Sing along. Can't be found turning around. You know the remedy. Just 'cause I'm slack, don't look back, 'cause it's a fact. It will be okay when you say. Ce qu'on me dit sur Facebook, c'est une expression qui veut dire c'est la vie, on n'y peut rien, c'est comme ça. Par contre, on peut continuer à écouter la saga des Fafoirs jusqu'à la fin, jusqu'à 22h. Et cette chanson, Beautiful Girl, que je dédie à une certaine Alexandra, sur RLG.

Très fier de Rook Le Barge sur Facebook parce que lui, il est fan à l'origine de Johnny Hallyday. Il est venu à la saga des Fab Four il y a quelques années déjà parce qu'il a trouvé ça sympathique aussi, cette émission. Et la plupart du temps, il nous met des pochettes de disques très très vite. Et là, il s'est pas laissé avoir parce que Ballroom Dancing que vous venez d'entendre est extrait de Give My Regards to Broad Street en 1984 et non pas de l'album Pipes of Peace de 1983. Ou à moins que ce soit 1982 et Tug of War. Oh, j'ai un doute. Mais en tout cas, c'est bien de 1984, Pipes of Peace. Tiens, puisque décidément, j'y arrive pas ce soir, c'est pas très grave. Je vais laisser la radio vous donner un petit message et on retrouve juste après I'm Yours de Ringo Starr sur l'album Vertical Man de 1998. Ce sera le dernier extrait de l'album. Votre radio locale érigée a le don d'émettre depuis plus de 40 ans. Merci à tous les donateurs qui, en 2021, ont contribué à financer le remplacement de notre antenne. Grâce à vous, nous pouvons continuer nos émissions. Aujourd'hui, notre équilibre financier reste fragile. Érigée est une radio associative non commerciale, ne réalisant aucun bénéfice. Vous pouvez encore nous soutenir par vos dons et ainsi aider Érigée à vous proposer un programme de proximité, varié et de qualité. Notez qu'une attestation fiscale vous sera fournie afin de déduire de vos impôts la majeure partie de votre don. Contactez-nous par mail. Direction@erigfm.fr. Direction@erigfm.fr. forgiving love so strong. So let me say, jusqu'à la fin de la programmation puisque finalement Eric n'est pas là. Donc voici New Blue Moon, les Traveling Wilburys sur RG. On pousse les tables et on danse. Allez. Ressemble beaucoup à ça. I will always be hoping, hoping. You will always be holding, holding my heart in your hand. I will understand. I will understand. Until then, when it will be right, I don't know what it will be like. I don't know, believe in hope of deliverance from the darkness that surrounds us. Hope of deliverance, hope of deliverance, hope of deliverance from the darkness that surrounds us. And I wouldn't mind knowing, knowing that you wouldn't mind going, going along with my plan. When it will be right, I don't know what it will be like. I don't know, we live in hope of deliverance from the darkness that surrounds us. Hope of deliverance. intentions of cet excellent album Flowers in a Jot, Paul McCartney avec l'aide de son pote d'écriture Elvis Costello. Il avait eu l'impression de retrouver un petit peu John Lennon dans cette co-écriture avec Elvis Costello. Il n'a pas dit complètement, il a dit un petit peu, hein, c'est pas mal déjà. Allons, on termine la saga avec une dernière chanson que je passe rarement, c'est Whole Life, Paul McCartney. You vous dites, il n'est que 22h05, on aurait aimé que ça dure jusqu'à minuit, puisque Eric n'est pas là. On fera ça la semaine prochaine. La semaine prochaine, Eric C ne sera pas là. Et il m'a donné l'autorisation d'aller jusqu'à minuit pour mon anniversaire et pour la dernière de la saga de cette année, de cette saison. Donc je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis rendez-vous la semaine prochaine à Meuté du Monde, qu'on soit nombreux pour les 4 heures d'émission de la saga des Fab Four, la dernière de la saison 38. Et j'espère qu'au mois de septembre, je serai suffisamment en forme pour attaquer la séance, la saison 39. Bon, fatigué déjà, ce sera pas mal. Et à très très bientôt. Salut et merci pour tout. Ciao.